Chapitre 2e. Acte d'accusation. Le 23 avril dernier, à 9h du soir, des cris se faisaient entendre dans une chambre garnie de l'hôtel de Bretagne et du Périgord située rue des Grès numéro 27. Cette chambre, au deuxième étage, était occupée par un jeune homme de 26 ans, Jules de Faudon. En même temps que retentissaient les cris, le bruit d'une lutte violente attirait l'attention des voisins. Un instant après, la porte de la chambre s'ouvrait vivement, et Pierre Beaujon s'élançait dans l'escalier, poussant des cris inarticulés, et se précipitait vers la rue. Le concierge de la maison, M. Tremplier, surpris de ses allures, préoccupé des cris entendus, s'opposait à sa sortie, et malgré ses efforts, le maintenait avec énergie. En même temps, les voisins pénétraient dans la chambre d'où les bruits étaient partis. Là, un terrible spectacle frappait leurs regards. Jules de Faudon gisait sur le plancher, sur le dos, la face contractée, la physionomie convulsée comme s'il eût eu, jusque dans la mort, jeté à son meurtrier une dernière et suprême imprécation. Un homme de l'art demeurant dans la maison fut aussitôt appelé. Le corps n'était vêtu que d'une chemise de nuit. Il portait au cou des empreintes de doigts fortement serrées. Le nommé Pierre Beaujon, ramené dans la chambre, ne put regarder en face le cadavre encore chaud de sa victime. Il s'évanouit. Le commissaire de police du quartier vint faire les premières constatations. Puis, l'autorité judiciaire se livra à une longue et minutieuse enquête qui a révélé les faits suivants. Les détails recueillis jettent sur cette mystérieuse affaire une lumière qui ne laisse aucune circonstance dans l'ombre. Jules de Faudon est né à Rennes le 1er mai 1840 et quelques. Il appartient à l'une des meilleures familles du pays et son père a occupé un siège élevé dans la magistrature. Il fut envoyé à Paris il y a 6 ans pour achever ses études de droit. Sa conduite fut pendant longtemps exemplaire, mais peu à peu il se lia avec des jeunes gens de son âge et ses habitudes devinrent moins régulières. Nerveux et maladif, il se laissa entraîner à des excès qui, sans cependant compromettre sérieusement son avenir, influèrent sur la marge de ses études. Au nombre de ses connaissances nouvelles, l'accusation signale Pierre Beaujon. L'homme qui est assis en ce moment sur le banc des accusés est né à Paris. Il est âgé de 3 ans de moins que de Faudon. Étudiant en droit, il s'est signalé par son inexactitude au cours et ses échecs ont été nombreux dans les examens qu'il a subis. Orphelin dès son enfance, il n'a pas reçu les enseignements précieux de la famille. Rien cependant n'eût prouvé en lui les tendances perverses qui devaient l'entraîner jusqu'au crime. Si une de ces liaisons, malheureusement trop fréquente dans le monde des jeunes gens, ne fût venue éveiller en lui des passions violentes. Une de ces femmes qui se font jeu de l'honneur des familles, Annette Grangelot, connue dans la société interlope sous le nom de la Bestia, attira les hommages de Beaujon qui en devint éperdument amoureux. Une rencontre fortuite la mit en relation avec de Faudon et elle ne tarda pas à s'abandonner également à lui. De là surgit entre les deux jeunes gens une haine sourde, peu apparente et qui devait éclater dans toute sa violence à la soirée du 23 avril. Annette Grangelot partageait ses faveurs entre ses deux amis, qui se cachaient l'un de l'autre avec un soin égal. Cependant, Beaujon semble s'être aperçu le premier des infidélités de sa maîtresse. Le 15 mars, dans un café du quartier latin, il s'écriait en parlant à cette fille « Si tu me trompais, je te tordrais le cou, et puis ensuite à ton amant. » Une scène de violence se passa dans le même établissement quelques jours après. Beaujon, étant ivre, voulut frapper la Grangelot et lui tint ce langage odieux dont nous devons adoucir les termes. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, j'aime mieux que ce soit avec de Faudon plutôt qu'avec tout autre. Mais en prononçant ces paroles, il était dans un tel état d'exaspération que ses amis durent intervenir pour éviter un malheur. C'est l'expression employée par un des témoins. Les explications données par l'accusé peuvent se résumer ainsi. Ni lui, ni de Faudon n'éprouvaient pour la fille Grangelot d'affection sérieuse. Chacun d'eux connaissait parfaitement les relations que cette femme avait avec son camarade, et c'était d'un commun accord qu'il s'amusait, dit Beaujon, à feindre une jalousie qu'il ne ressentait pas. Sans nous arrêter à l'immoralité profonde que révélerait une pareille entente, d'ailleurs si peu naturelle et si invraisemblable, il convient d'arrêter son attention sur quelques détails probants. Lors d'une perquisition faite dans la chambre de Beaujon, il a été découvert une photographie de la fille Grangelot, dont la tête avait été à demi lacérée à coups de canif. De plus, une lettre trouvée sur son bureau porte ces mots inachevés « Tu m'enlèves la bestia, tu me le paieras. » Cette lettre était évidemment destinée à De Faudon. Chez De Faudon se trouvait une autre photographie de la même personne avec ces mots écrits de la main de la victime « À toi mon cœur, à toi ma vie ». Il est donc indiscutable que ces deux jeunes gens éprouvaient pour la Grangelot une passion réelle et que la jalousie les animait. Quelques jours avant le crime, ils eurent une discussion assez vive dans la pension où ils prenaient leur repas, et Beaujon, saisissant un couteau, s'écria en s'adressant à De Faudon « Je vais te dépouiller comme un lapin ». Ces discussions semblaient d'ailleurs n'avoir pour prétexte qu'une plaisanterie, mais elle est évidemment l'indice d'un antagonisme toujours prêt à éclater et à se traduire en violence. Que s'est-il donc passé dans la soirée du 23 avril? De Faudon et Beaujon étaient allés dîner ensemble à leur pension bourgeoise. Rien ne paraissait indiquer une mésintelligence plus grande qu'à l'ordinaire. La conversation roula sur divers sujets insignifiants. De Faudon semblait mal à l'aise. Il parlait peu et se plaignait d'une sorte de faiblesse générale. Était-il sous le coup d'un de ces pressentiments inexplicables dont le secret n'a pu être encore saisi par la science? À la fin du dîner, il manifesta l'intention de rentrer chez lui pour se mettre au lit. Un de ses amis, le nommé Singer, proposa de l'accompagner et de passer la soirée avec lui. Mais Beaujon intervint vivement en disant « Mais ne suis-je pas là? Je lui suffirais bien. » L'événement a prouvé combien ces derniers mots, sous leur insignifiance apparente, cachaient d'ironie et de menace. Un témoin rapporte encore ce propos. Au moment où De Faudon et Beaujon se retiraient, quelqu'un dit au premier « À demain !»« Oh, à demain !» fit Beaujon. « Je ne crois pas, il a besoin de repos. » Les deux jeunes gens rentrèrent à l'hôtel. Que s'est-il passé de 8 à 9 heures? C'est ce que l'accusation n'a pu établir de façon certaine. Ils étaient seuls, et rien n'a été entendu jusqu'à la scène suprême. Évidemment, une discussion s'engagea entre De Faudon et son meurtrier. De Faudon était couché. Attaqué par le meurtrier, il se leva pour se défendre et vint tomber au milieu de la chambre, tandis que Beaujon le serrait à la gorge. Les explications fournies par Beaujon ne présentent aucune vraisemblance. Selon lui, son ami causait avec lui de la façon la plus calme, lorsque tout à coup, son visage, sans raison apparente, aurait exprimé la plus grande terreur. Il se serait levé de son lit, en proie à une inexprimable frayeur, et se serait jeté sur Beaujon qui l'aurait étreint fortement. L'accusé a montré à l'appui de son dire une ecchymose à l'épaule, qui semblait en effet produite par les ongles de sa victime. Ce serait alors pour se défendre que Beaujon aurait saisi De Faudon à la gorge. Involontairement, il aurait exercé une pression plus violente qu'il ne le croyait. Puis, quand il aurait vu son ami tomber sans vie, il aurait été pris d'une terreur si vive qu'il se serait enfui ainsi qu'il a été dit. Ce système, que tout contredit, a été soutenu par l'accusé avec une rare ténacité. Il n'en est pas moins inacceptable. Et toutes les circonstances, soigneusement groupées par l'instruction, prouvent qu'une fois de plus, la société a déploré un de ces crimes enfantés par la jalousie et les passions mauvaises. En conséquence, Beaujon, Pierre-Alexis, est accusé d'avoir, dans la soirée du 23 avril, volontairement et avec préméditation, donné la mort à De Faudon, Jules-François-Émile, crime prévu et puni, etc., etc.